Chapitre 3. Miss Garth, monsieur, dit Mrs. LeCount, qui, la porte du salon une fois ouverte, annonça la visiteuse avec le ton et les façons d'une domestique bien apprise. Magdalene se trouva dans une pièce étroite et longue, formée de deux salons en enfilade, qu'on avait réunis en ouvrant les portes à coulisses qui les séparaient. Elle vit alors, assis non loin de la fenêtre sur la rue, et tournant le dos au jour, un petit homme frêle, aux cheveux d'un blond fade, à la physionomie béate, roulé dans une belle robe de chambre blanche, infiniment trop large pour lui, et portant sur sa poitrine un bouquet de violettes proprement fixé dans une des boutonnières. Il paraissait âgé de 30 à 35 ans. Il avait le teint délicat d'une jeune fille. Ses yeux étaient du bleu le plus clair, et sa lèvre supérieure se décorait d'une malheureuse petite moustache blanchâtre, ciré et tordu aux deux extrémités, en une spirale mince et bouclée. Lorsqu'un objet quelconque attirait spécialement son attention, il fermait à moitié les paupières pour le regarder. Venait-il à sourire, la peau de ses tempes se contractait en un réseau d'affreuses petites rides. Il avait sur les genoux un plat de fraises, et sous le plat une serviette, afin de préserver la blancheur immaculée de sa robe de chambre. À sa droite, était placée une grande table ronde où s'entassait une collection de curiosités exotiques provenant, paraissait-il, des quatre parties du monde. Des oiseaux d'Afrique empaillés, des monstres en porcelaine venus de Chine, des ornements et des outils d'argent fournis par l'Inde et le Pérou, des mosaïques d'Italie, des bronzes de France, le tout entassé pêle-mêle avec les caisses de bois commun et les boîtes de cuir souillées dans lesquelles on faisait voyager ces trésors. Le petit homme s'excusa, mais avec force sourire et une évidente satisfaction d'amour-propre, de vivre au milieu d'un tel désordre, puis de sa robe de chambre, puis de sa faible santé. Alors seulement, indiquant un fauteuil de la main, et avec les formes de la politesse la plus étudiée, il mit son attention au service de la visiteuse. Magdalene, en le regardant, se demanda un instant si Mrs. LeCount ne l'avait pas trompé. Était-ce bien là l'homme qui marchait si impitoyablement sur la route tracée par un père impitoyable? Elle pouvait à peine le croire. « Prenez un siège, Miss Garth, » répéta-t-il, remarquant qu'elle hésitait et proclamant son propre nom d'une voix haute et grêle, un homme qui sent son importance compromise. « Je suis Mr. Noel Vanstone. Vous avez manifesté le désir de me voir. Me voici. »« Me permettez-vous de me retirer, monsieur ?» demanda Mrs. LeCount. « Certainement non, » répondit son maître. « Restez avec nous, LeCount, et soyez des nôtres. »« Mrs. LeCount a toute ma confiance, » reprit-il en s'adressant à Madeleine. « Me dire quelque chose, madame, c'est le lui dire à elle-même. C'est un trésor domestique. Pas une autre maison d'Angleterre ne possède un trésor comme Mrs. LeCount. » La femme de charge écoutait le panégyrique de ses vertus privées, les yeux immuablement fixés sur son élégante chemisette. Mais la prompte pénétration de Magdalene avait surpris au préalable, échangé entre Mrs. LeCount et son maître, un regard prouvant que Mr. Noel Vanstone avait reçu par avance des instructions fort en règle sur ce qu'il avait à dire et à faire en présence de la visiteuse inconnue. Ce soupçon, et les obstacles que les dispositions de la chambre opposaient à son désir de se placer à contre-jour, avertirent Magdalene de se tenir sur ses gardes. Elle avait d'abord ramené son fauteuil presque à mi-longueur du salon. Un instant de réflexion le lui fit pousser vers la gauche, de manière à se poser en dedans du montant gauche de la porte à coulisses et tout contre ce montant. Dans cette position, elle barricadait adroitement le seul passage par où Mrs. LeCount aurait pu faire le tour de la grande table, et prenant un siège à côté de son maître, se trouvait en face de Magdalene. À droite de la table, l'espace était bien rempli. D'abord par la cheminée et sa corbeille, puis par quelques malles de voyage et une grande caisse à robes. Il ne restait donc à Mrs. LeCount d'autre alternative que de se placer sur la même ligne que Magdalene, contre l'autre montant de la porte à coulisses, ou de passer sans façon devant la visiteuse, en manifestant ainsi très clairement l'intention de s'installer en face d'elle. Avec une petite toux expressive, et sans perdre un instant son maître de vue, la femme de charge accepta la combinaison nouvelle et s'assit à droite du montant de la porte. « Attendez un peu, » pensait Miss LeCount, « mon tour viendra. »« Prenez garde, madame, » s'écria Mr. Noel Vanstone, au moment où Magdalene, avançant son fauteuil, se rapprochait de la table. « Faites attention à la manche de votre manteau. Mille excuses, mais vous avez failli renverser ce flambeau d'argent. Ne supposez pas que ce soit un flambeau vulgaire. C'est un flambeau péruvien. Il n'en existe au monde que 3 exemplaires. L'un appartient au président du Pérou, l'autre est enfermé dans les armoires du Vatican, le troisième est sur ma table. Il n'a coûté que 10 livres sterling, mais il en vaut au moins 50. C'est un des bons marchés de mon père, madame. Tous ces objets sont aussi des emplettes de mon père. Il n'y a pas en Angleterre de maison où l'on trouva des curiosités comme celle-ci. Asseyez-vous, LeCount. Je vous supplie de vous mettre à votre aise. Mrs. LeCount est comme les curiosités, Miss Garth. C'est un des bons marchés de mon père. N'êtes-vous pas, LeCount, une des meilleures emplettes de mon père? Mon père était un homme remarquable, madame. Vous trouverez ici, à chaque pas, quelques souvenirs de lui. J'ai sur moi, dans ce moment même, sa robe de chambre. On ne fait plus maintenant d'étoffes pareilles. Vous ne sauriez vous en procurer, à quelque prix que ce fût. Vous plairait-il d'en tâter le tissu? Peut-être n'êtes-vous pas bon juge de ces choses-là. Peut-être préféreriez-vous me parler de ces deux jeunes élèves que vous avez formés. Elles sont deux, n'est-il pas vrai? Sont-ce de belles filles, grasses, fraîches, épanouies, des beautés anglaises, enfin? Pardon, monsieur, interrompit Mrs. LeCount avec un accent mélancolique. J'insisterai pour me retirer si vous parlez ainsi de ces pauvres créatures. Je ne saurais, monsieur, supporter tranquillement qu'on les tourne en ridicule devant moi. Songez à leur position, songez à Miss Garth. Bonne créature, dit Mr. Noel Vanstone, contemplant la femme de charge à travers ses paupières demi-closes. Excellente, LeCount. Je vous certifie, madame, que Mrs. LeCount est une digne personne. Vous remarquerez qu'elle a pitié des deux jeunes filles. Je ne saurais pour mon compte aller jusque-là. Mais il est des choses que je puis leur passer. Je ne suis pas un homme à idées rétrécies. Je puis bien faire des concessions pour leur compte et pour le vôtre. » Il sourit à ces mots, avec la politesse la plus cordiale, et s'administra une belle fraise tirée du plat qu'il avait sur les genoux. « Vous froissez, Miss Garth. En vérité, monsieur, sans le vouloir, vous froissez, Miss Garth. » dit encore Mrs. LeCount. « Elle n'est pas comme moi faite à vos manières. Pensez à Miss Garth, monsieur. Par égard pour moi, pensez à Miss Garth. » Magdalene, jusqu'alors, avait gardé un silence intrépide. Le brûlant courroux qui l'aurait immédiatement trahi, si elle ne l'avait énergiquement comprimé, précipitait les battements de son cœur et l'avertissait par là même, tout le temps que parlait Noel Vanstone, de rester exactement bouche close. Elle l'aurait laissé jaser ainsi, sans l'interrompre, pendant quelques minutes encore, si Mrs. LeCount n'était intervenue pour la seconde fois. Le raffinement d'insolence caché sous la pitié de la femme de charge était essentiellement féminin. Aussi, sous cet aiguillon poignant, retrouva-t-elle aussitôt son sang-froid. Jamais elle n'avait plus admirablement imité la voix et les façons de Miss Garth que lorsqu'elle reprit ensuite la parole. « Vous êtes bien bonne, » dit-elle à Mrs. LeCount. « Je ne prétends pas être traitée avec plus de considération. Comme institutrice, je n'ai pas droit à tant d'égards et ne réclame qu'une seule faveur. Je viens prier Mr. Noel Vanstone, dans son propre intérêt, d'écouter ce que j'ai à lui dire. « Vous entendez, monsieur ?» fit observer Mrs. LeCount. « Il paraîtrait que Miss Garth a quelques sérieux avis à vous donner. Elle dit que dans votre propre intérêt, vous feriez bien de l'écouter. » Le teint blond de Mr. Noel Vanstone devint blanc à l'instant même. Il posa le plat de fraises parmi les emplettes de son père. Sa main tremblait, et toute sa petite personne se tordait mal à l'aise dans son fauteuil. Magdalene l'observait attentivement. « Voilà déjà une découverte, pensait-elle, cet homme est un lâche. »« Que voulez-vous dire, madame ?» demanda Mr. Noel Vanstone avec une physionomie et des gestes où se peignait une visible inquiétude. « Que voulez-vous dire en affirmant qu'il me faut vous écouter, et dans mon propre intérêt ?» « Si vous êtes venu ici pour m'intimider, vous vous adressez, on ne peut moins bien. » Dans notre cercle à Zurich, ma force de caractère était universellement reconnue, n'est-ce pas, LeCount ? Universellement, monsieur. répondit la femme de charge interpellée. Mais il n'en faut pas moins prêter l'oreille à Miss Garth. Peut-être me suis-je trompé sur la portée de ses paroles. Au contraire, répondit Magdalen, vous les avez très fidèlement interprétées. Mon but, en venant ici, est de prémunir Mr. Noel Vanstone contre les périls de la marche qu'il semble vouloir adopter. Arrêtez, dit Mrs. LeCount avec l'accent de la prière. Si vous voulez venir en aide à ces pauvres jeunes filles, cessez de tenir ce langage. Tâchez, madame, d'adoucir par des prières une résolution que vous fortifierez au contraire par vos menaces. » Elle avait un peu exagéré l'humble accent de ses paroles, un peu outré l'expression craintive du regard qui les accompagnait. Si déjà Magdalen ne s'était aperçue que Mrs. LeCount, habituée à prendre pour son maître toute espèce de décision, l'était aussi à lui persuader qu'il n'agissait jamais de par les suggestions de sa femme de charge, mais avec une initiative complètement libre, elle l'aurait su désormais à n'en pouvoir douter. « Vous entendez ce que LeCount vient de dire ?» remarqua Mr. Noel Vanstone. « Vous entendez le témoignage tout spontané d'une personne qui m'a connu dès mon enfance. Prenez garde, Miss Garth, prenez garde !» Il arrangea complaisamment sur ses genoux les larges pans de sa robe de chambre blanche et y réinstalla le plat de fraises. « Je n'ai nul désir de vous offenser, » dit Magdalen. « Je voudrais seulement ouvrir vos yeux à la vérité. Vous ne connaissez point le caractère des deux sœurs dont la fortune vous est échue. Je les ai suivies, au contraire, dès leur enfance. Et je viens vous faire profiter de mon expérience, aussi bien dans leur intérêt que dans le vôtre. Vous n'avez rien à craindre de l'aînée. Elle accepte patiemment le lot pénible que vous et votre père avant vous l'avez forcée à subir. La conduite de la cadette est tout l'opposé de celle-ci. Elle a déjà refusé de se soumettre à la décision de votre père. Elle refuse maintenant de laisser étouffer ses plaintes et ses griefs par la lettre de Mrs. LeCount. Je vous en donne ma parole, elle est capable de vous susciter de fort sérieux embarras si vous persistez à vous faire d'elle une ennemie acharnée. » Mr. Noel Vanstone, changeant encore de couleur, se remit à se trémousser dans son fauteuil. « De sérieux embarras ? » répétait-il avec un regard effaré. « Si vous entendez, madame, qu'elle compte encore m'écrire, j'ai déjà bien assez de cette sorte d'embarras. Elle m'a écrit une fois et mon père a reçu deux lettres d'elle. L'une de ces dernières enfermait des menaces. N'est-il pas vrai, LeCount, qu'elle en renfermait ?»« Pauvre enfant, » dit Mrs. LeCount, « elle ne faisait qu'exprimer ses sentiments. Je trouvais bien dur de lui renvoyer sa lettre. Mais votre cher père jugea que cela valait mieux. Pourquoi, disais-je alors, ne pas lui laisser exprimer ce qu'elle sent? Que sont, après tout, quelques rares menaces? Dans sa position, la pauvre enfant, ce sont des paroles et rien de plus. Je vous conseille de ne pas trop compter là-dessus, dit Magdalen. Je la connais mieux que vous ne la connaissez. Elle s'arrêta sur ces paroles. Elle s'arrêta un instant effrayée. L'insultante pitié de Miss LeCount l'avait irritée au point de lui faire presque oublier le rôle qu'elle jouait et reprendre un instant sa voix naturelle. « Vous avez fait allusion aux lettres écrites par mon élève, » reprit-elle, s'adressant à Noel Vanstone, aussitôt qu'elle se sentit rentrée en position d'elle-même. « Nous ne parlerons pas de ce qu'elle a pu écrire à votre père, mais seulement de ce qu'elle vous a écrit à vous. Y a-t-il dans sa lettre quelque chose d'inconvenant ? Quelque chose de contraire à la vérité? N'est-il pas vrai que ces deux sœurs ont été privées cruellement des bienfaits par lesquels leur père avait pourvu à leur avenir? Son testament, jusqu'ici, parle pour lui en leur faveur. S'il parle en vain, c'est uniquement parce que mon ancien patron ignorait qu'en vertu de son mariage, il avait à tester de nouveau, et parce qu'il est mort avant d'avoir pu remédier à cette erreur. Pouvez-vous nier tout ceci? Mr. Noel Vanstone se prit à sourire et gobant une seconde fraise. « Je n'ai, dit-il, rien à nier de tout ce que vous venez d'exposer. Continuez, Miss Garth, continuez. » « N'est-il pas vrai, reprit Magdalen, que le même texte de loi qui enlevait leur fortune à ses deux sœurs, dont le père n'avait pas fait un second testament, vous a donné cette même fortune à vous dont le père n'a pas voulu tester le moins du monde ?» À coup sûr, expliquez-le comme vous voudrez, ceci est bien dur pour ces jeunes orphelines. très dur, répondit Mr. Noel Vanstone. N'est-ce pas, LeCount? La chose doit vous paraître ainsi. Mrs. LeCount secoua la tête et ferma ses beaux yeux noirs. Déchirant, disait-elle. Je ne trouve pas d'autre mot pour caractériser cette situation. Oui, Miss Garth, c'est déchirant. Maintenant que la jeune personne, non, que Miss Vanstone, la cadette, ait découvert que feu mon respectable maître n'a pas fait de testament, c'est là véritablement ce qui m'étonne. Peut-être la chose a-t-elle été mise dans les journaux? Mais pardon, Miss Garth, je vous ai, je crois, interrompu. Vous alliez ajouter quelque chose sous la lettre de votre élève? En prononçant ces paroles, elle avança sans bruit son fauteuil à quelques pouces au-delà de celui de la visiteuse. La tentative était adroitement comprise, mais n'en resta pas moins inutile. Magdalene se contenta de tourner la tête un peu plus sur la gauche. Et la grande caisse à robe qui embarrassait le parquet empêcha Mrs. LeCount de se porter plus en avant. « Je n'ai plus qu'une question à vous faire, » dit Magdalene. La lettre de mon élève contenait une proposition adressée à Mr. Noel Vanstone. Je le prie de me dire pourquoi il a refusé de la prendre en considération. « Ma bonne dame !» s'écria Mr. Noel Vanstone, arquant ses sourcils blanchâtres pour donner à sa physionomie l'expression d'une surprise moqueuse. « Est-ce tout de bon que vous parlez? Savez-vous bien quelle était cette proposition? Avez-vous lu la lettre ?»« Je parle très sérieusement, » dit Magdalene, « et j'ai vu la lettre. Elle vous supplie de vous rappeler comment vous est échue la fortune de Mr. André Vanstone. Elle vous informe qu'une moitié de cette fortune, partagée entre ses filles, était le lot que son testament leur attribuait. Elle demande à votre équité naturelle de faire pour ses enfants ce qu'il aurait fait lui-même s'il eût vécu. En termes encore plus clairs, elle vous demande d'abandonner une moitié des capitaux aux filles du frère de votre père, vous laissant libre de conserver le reste pour vous-même. Voilà la proposition. Pourquoi n'avez-vous pas voulu y avoir égard ? Pour la plus simple raison du monde, Miss Garth, dit Mr. Noel Vanstone, qui semblait fort égayé. Permettez-moi de vous rappeler ce proverbe très connu. Un sot et son argent ne vont pas longtemps de compagnie. Telle autre qualification que je mérite, madame, personne encore ne m'a regardé comme un sot. Ne le prenez pas ainsi, monsieur, remontra Mrs. LeCount. Soyez grave, au nom de Dieu, soyez grave. Mais c'est impossible, LeCount, répliqua son maître. Je ne saurais vraiment prendre ceci au sérieux. Mon pauvre père, Miss Garth, envisageait cette affaire au point de vue moral le plus élevé. LeCount, que voici, ne l'envisage pas autrement, n'est-ce pas, LeCount? Pour moi, maintenant, c'est autre chose. J'ai trop longtemps respiré l'air du continent pour me préoccuper beaucoup du point de vue moral. Ma manière d'agir en cette affaire est aussi simple que la règle en vertu de laquelle deux et deux font quatre. J'ai les capitaux, et je me regarderais comme un idiot si je les lâchais. Tel est mon point de vue. Il est simple, n'est-ce pas? Je ne me retranche pas dans ma dignité. Je n'invoque pas contre vous la loi qui m'est toute favorable. Je ne vous blâme point d'être venu ici, bien que totalement étrangère, pour tâcher de modifier ma résolution. Je ne blâme pas les deux jeunes filles qui veulent insinuer leurs doigts dans ma bourse. Je me borne à dire que je ne suis pas assez sot pour l'ouvrir. Pas si bête, comme nous disions à Zurich entre nous autres Anglais. Comprenez-vous le français, Miss Garth? Pas si bête. Il mit de côté encore une fois son plat de fraises et délicatement essuya ses doigts à sa belle serviette blanche. Magdalene resta impassible. Si, en levant la main dans ce moment, elle avait pu frapper de mort ce misérable personnage, il est probable qu'elle l'aurait élevé, mais elle resta impassible. « Dois-je comprendre ?» demanda-t-elle. « Que vous vous en tenez strictement et définitivement pour cette affaire à la détermination annoncée dans la lettre de Mrs. LeCount ?»« Comme vous dites, » répliqua Mr. Noel Vanstone. « Vous avez hérité la fortune de votre père et de plus la fortune de Mr. André Vanstone. Malgré cela, vous ne vous sentez nullement obligé d'agir envers ces deux sœurs comme le voudrait la justice ou la générosité. Vous ne voyez à leur dire que ceci, c'est que vous avez l'argent et que vous refusez d'en sacrifier un seul farthing. Très exactement rédigé. Miss Garth, vous êtes une femme d'affaires. LeCount, Miss Garth est une femme d'affaires. ne me faites pas entrer dans tout ceci, monsieur !» s'écria Mrs. LeCount, tordant avec grâce ses mains blanches et potelées. « Je ne puis cependant y tenir, il faut que j'intervienne. Laissez-moi suggérer, comment en anglais appelez-vous cela ? Un compromis. Cher monsieur Noël, vous vous faites à vous-même une injustice criante. Vous pourriez donner à Miss Garth de bien meilleures raisons. Vous suivez l'exemple de votre honoré père. Vous regardez comme un devoir envers sa mémoire d'agir en tout ceci selon les errements qu'il a laissés. Voilà, Miss Garth, ses motifs. Je vous supplie à genoux de ne pas lui en supposer d'autres. Il fera ce qu'a fait son cher père, ni plus ni moins. Son cher père avait fait une offre, il la renouvellera. Oui, monsieur Noël, vous vous rappellerez ce que cette pauvre jeune fille vous dit dans sa lettre. Sa sœur a été obligée de se placer comme gouvernante. Elle-même, en perdant sa fortune, a vu ajourner pour bien des années un mariage déjà convenu. Vous vous souviendrez de tout ceci et leur donnerez à l'une et à l'autre les 100 livres sterling que votre admirable père leur avait jadis offertes. S'il le fait, Miss Garth, cela suffira-t-il ? S'il donne 100 livres à chacune de ses pauvres sœurs, il se repentira de cette insulte jusqu'à la dernière heure de sa vie, dit Magdalen. À peine cette réponse avait-elle franchi ses lèvres, qu'elle eût donné tout au monde pour la reprendre. Mrs. LeCount avait fini par enfoncer l'aiguillon à l'endroit sensible. C'était avec sa vraie voix que, dans un élan de colère, Magdalen venait de prononcer ces téméraires paroles. Sans l'habitude qu'elle avait de jouer en public, elle eût infailliblement aggravé son erreur en cherchant à la réparer. Ici, du moins, l'usage de la scène vint à son secours et lui permit de continuer à l'instant même avec la voix de Miss Garth comme si de rien n'était. « Je rends justice à vos intentions, Mrs. LeCount, disait-elle. Mais vous faites plus de mal que de bien. Mes élèves n'accepteront certainement pas le compromis que vous proposez. Je suis au regret des paroles violentes qui viennent de m'échapper et vous prie d'accepter mes excuses. » En prononçant cette phrase conciliante, elle cherchait ardemment quelques indications sur le visage de la femme de charge. Mrs. LeCount, en portant son mouchoir à ses yeux, déjoua cette curiosité. Avait-elle ou non remarqué cette brusque transition qui avait un moment substituer la voix naturelle de Magdalen à sa voix factice, impossible de le savoir. « Que puis-je de plus ? » murmurait Mrs. LeCount, s'abritant de son mouchoir. « Donnez-moi le temps de songer, donnez-moi le temps de me remettre. Puis-je, monsieur, me retirer un moment ? Mes nerfs sont ébranlés par cette triste scène. Il me faut un verre d'eau. Je crois que je vais me trouver mal. Ne vous retirez pas encore, Miss Garth. Veuillez nous donner le temps de régler, si nous le pouvons, cette triste difficulté. Je vous supplie de rester là jusqu'à ce que je revienne. » Le salon avait 2 portes. L'une, celle de la pièce antérieure, à gauche de Magdalen et tout près d'elle. L'autre, celle de la pièce du fond, à laquelle elle tournait le dos. Mrs. LeCount se retira poliment, franchissant les portes à coulisses par cette dernière issue, de manière à ne pas déranger la visiteuse en passant devant elle. Magdalen attendit que le bruit de la porte, s'ouvrant et se refermant derrière elle, fût arrivé à ses oreilles. Et alors elle résolut de mettre à profit l'occasion qui la laissait seule avec Noël Vanstone. Elle venait de s'assurer à quel point il était impossible de communiquer à cette vile nature une impulsion généreuse. Une seule chance restait donc, celle de le traiter comme un misérable lâche qu'il était et d'agir sur lui par la terreur. Avant qu'elle pût parler, Mr. Noel Vanstone rompit lui-même le silence. Quelque adresse qu'il mit à le vouloir cacher, il était à moitié colère, effrayé à moitié de se voir ainsi abandonné par sa femme de charge. Il jetait sur l'étrangère des regards indécis et manifesta un inquiet besoin de se la concilier jusqu'au retour de Mrs. LeCount. « Veuillez y prendre garde, madame, commença-t-il. Je n'ai jamais nié que ce ne fût là une situation bien pénible. Vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez point m'offenser. Eh bien, certainement, de mon côté, je ne veux vous froisser en aucune manière. Oserais-je vous offrir quelques fraises ? Vous plairait-il d'examiner les emplettes de mon père ? Je puis vous assurer, madame, que je suis par nature un galant homme, et j'éprouve une véritable compassion pour ces 2 sœurs, plus particulièrement pour la cadette. m'attaquer au sujet du sentiment, c'est m'attaquer par mon côté faible. Rien ne me ferait plus de plaisir que de savoir le prétendu de Miss Vanstone. Je l'appelle toujours Miss Vanstone, et le comte aussi. Rien, dis-je, madame, ne me ferait plus de plaisir que de savoir le prétendu de Miss Vanstone revenu de son expédition et d'apprendre qu'ils sont unis l'un à l'autre. Si quelque avance d'argent pouvait aider à cet heureux résultat, et si l'on m'offrait de bonnes garanties, et si mon avocat ne voyait aucun danger, arrêtez. Monsieur Vanstone, dit Magdalen, vous vous trompez absolument dans votre appréciation de la personne à qui vous avez affaire. Vous vous trompez gravement. Si vous croyez que le mariage de la sœur cadette, fût-il réalisé d'ici à 8 jours, ferait la moindre différence dans les convictions qui lui ont dicté ces lettres adressées à votre père et à vous, je ne nie pas qu'elle n'ait pu agir en vertu de mobiles plus ou moins compliqués. Je ne nie pas qu'elle ne tienne encore à l'espérance de hâter son mariage et à l'espérance d'affranchir sa sœur, maintenant vouée à une dépendance humiliante. Mais, en supposant même que ce double objet pût être atteint par d'autres voies, rien ne saurait la déterminer à vous laisser possesseur de l'héritage que son père destinait à elle et à sa sœur. Je la connais, Monsieur Vanstone. Elle n'a plus de nom, plus d'asile, plus d'amis. La loi qui vous protège, vous et tous les enfants légitimes, la jette comme une vile épave aux 4 vents du ciel. Mais c'est votre loi, ce n'est pas la sienne. Elle n'y peut voir que l'instrument d'une ignoble oppression, d'une injustice intolérable. Le ressentiment de cette injustice la hante comme une possession diabolique. La détermination de la réparer brûle en elle comme un incendie. Supposez cette misérable enfant mariée d'Edmain et riche à millions, croyez-vous par hasard qu'elle reculerait d'un pouce sur la voie qui mène à son but? Je vous dis, moi, qu'elle résisterait jusqu'au dernier souffle de son corps à l'infâme iniquité qui est venue frapper 2 enfants abandonnés en profitant pour cela de la mort de leur père. Je vous dis qu'elle ne reculerait devant aucun des moyens que le désespoir peut mettre à la portée d'une femme pour ouvrir de force votre main fermée ou mourir en l'essayant. Elle s'arrêta brusquement. Une fois encore, son indomptable volonté l'avait trahie. Une fois encore, la noblesse native de ce caractère perverti s'élevait au-dessus de la déception à laquelle il s'était soumis. Le complot du moment était effacé de sa pensée, et la résolution dont elle vivait venait d'éclater au dehors, débordant de son cœur avec une ardeur toujours croissante et n'empruntant plus ni les paroles ni la voix d'autrui. Elle voyait devant elle l'abject mannequin tapi silencieusement dans son fauteuil. Sa couardise lui laissait-elle assez l'usage de ses sens pour qu'il s'aperçût du changement de sa voix? Non. Le visage de cet homme ne pouvait mentir. La peur qu'il ressentait l'avait complètement égaré. Cette fois, la chance avait tourné en faveur de Magdalen. La porte placée derrière son fauteuil ne s'était pas rouverte encore. « Ses oreilles seules m'ont entendu, » pensait-elle, avec un inexprimable soulagement. « J'échappe à Mrs. LeCount. » En ceci, elle se trompait complètement. Mrs. LeCount n'avait pas quitté le salon. Après avoir ouvert la porte et l'avoir refermée, mais sans sortir, la femme de charge était venue s'agenouiller à petit bruit derrière le fauteuil de Magdalen. S'appuyant contre le montant de la porte à coulisses et tirant de sa poche une paire de ciseaux, elle avait attendu que Noel Vanstone, au regard de qui elle était absolument cachée, eût attiré, en lui parlant, l'attention de Magdalen. Et alors, elle s'était inclinée en avant, les ciseaux tout ouverts dans sa main. Le bas de la robe dont la fausse Miss Garth était revêtue, la robe d'alpaga brun étoilée de blanc, posée sur le parquet à côté de la femme de charge. Mrs. LeCount souleva celui des 2 volants qui recouvraient l'autre, découpa doucement un petit morceau irrégulier dans l'étoffe du volant inférieur et replaça celui du dessus de manière à masquer la brèche ainsi faite. Pendant que Magdalen prononçait ses dernières paroles, la femme de charge avait remis ses ciseaux en poche et s'était relevée, s'abritant derrière le montant de la porte à coulisses. Mrs. LeCount, alors, fit encore semblant d'ouvrir et de refermer la porte donnant dans l'arrière-salon et, le plus tranquillement du monde, revint à sa place. « Qu'est-il donc arrivé pendant mon absence ? » demanda-t-elle, s'adressant à son maître avec une physionomie alarmée. « Vous êtes pâle, monsieur. Vous semblez dans une grande agitation. Oh, Miss Garth, auriez-vous oublié l'avis que je vous donnais avant d'entrer ici ? Miss Garth a tout oublié, s'écria Mr. Noel Vanstone, à qui la réapparition de Mrs. LeCount avait rendu quelque sang-froid. Miss Garth m'a menacé de la manière la plus odieuse. Je vous défends, LeCount, de vous apitoyer jamais plus au sujet de ces deux jeunes filles, et plus particulièrement au sujet de la cadette, celle la plus désespérée créature dont j'ai jamais ouï parler. Si elle ne peut avoir mon argent par des moyens légitimes, elle menace de me le ravir autrement. Voilà ce que Miss Garth vient de me notifier en face. En face ! Répéta-t-il, croisant les bras, et de l'air d'un homme qui se sent mortellement outragé. Calmez-vous, monsieur, dit Mrs. LeCount, calmez-vous, je vous en prie, et souffrez que je parle à Miss Garth. Je regrette, madame, que vous ayez oublié ce que je vous disais avant d'entrer dans ce salon. Vous avez agité, Mr. Noel, vous avez compromis les intérêts pour lesquels vous venez intercéder ici, et vous n'avez fait en somme que nous répéter ce que nous savions déjà. Le langage que vous vous êtes permis en mon absence est le même que votre élève employa contre tout bon sens en écrivant pour la seconde fois à feu mon maître. Comment une femme de votre âge et de votre expérience peut-elle répéter sérieusement de pareilles absurdités? Cette petite fille nous brave et nous menace. Elle doit tenter ceci, elle fera cela. Vous avez sa confiance, madame, eh bien, dites-moi tout simplement ce qu'elle peut faire. Si bien aiguisé que fut le trait, il passa inoffensif. Mrs. LeCount avait trop enfoncé l'aiguillon. Magdalene se leva, restant tout à fait dans son rôle, et mit fin à l'entrevue sans se départir du calme le plus parfait. Ne sachant rien de ce qui s'était passé derrière son fauteuil, elle voyait néanmoins dans la physionomie et les manières de Mrs. LeCount un changement qui devait la prémunir contre de nouveaux dangers et contre un plus long séjour dans cette maison ennemie. « Je ne suis pas, dit-elle, dans la confidence de mon élève. Le moment venu, ses actes se chargeront de répondre à votre question. Je puis seulement vous dire, la connaissant comme je la connais, qu'elle n'est point habituée aux fanfaronnades. Ce qu'elle écrivait à Mr. Michel Vanstone, elle était prête à le réaliser. J'ai du moins tout lieu de le croire, lorsque la mort est venue à la traverse des projets qu'elle avait conçus. » Il suffira que le fils de Mr. Michel Vanstone continue les traditions de son père pour qu'il s'aperçoive, d'ici à peu de temps, que je ne me trompe pas sur le compte de mon élève et que je ne suis pas venu ici pour l'intimider par de vaines menaces. Ma mission est maintenant remplie. Je laisse à Mr. Noel Vanstone deux alternatives, ou bien partager avec les filles de Mr. André Vanstone la fortune de Mr. André Vanstone, ou bien persister dans son refus actuel et en affronter les conséquences. » Elle salua là-dessus et se dirigea vers la porte. Mr. Noel Vanstone se leva, la colère et la peur se disputant à qui s'inscrirait la première sur la blanche surface de son pâle visage. Mais avant qu'il eût pu ouvrir la bouche, les mains potelées de Mrs. LeCount vinrent se poser sur ses épaules, le firent doucement retomber dans son fauteuil et replacèrent le plat de fraise sur ses genoux très exactement comme il l'était naguère. « Remettez-vous, Monsieur Noël, et mangez encore quelques fraises, » lui disait-elle. « Je me chargerai de Miss Garth. » Elle suivit Magdalene dans le corridor et ferma derrière elle la porte du salon. « Habitez-vous Londres, madame ? » demanda Mrs. LeCount. « Non, » répondit Magdalene, « je réside à la campagne. Si j'ai besoin de vous écrire, où puis-je vous adresser mes lettres ?»« À Birmingham, un poste restante, » dit Magdalene, indiquant la ville qu'elle venait de quitter et d'où toute sa correspondance lui était encore envoyée. Mrs. LeCount répéta l'adresse pour la mieux fixer dans sa mémoire, fit deux pas de plus dans le couloir et posant tranquillement sa main droite sur le bras de Magdalene. « Un mot d'avis, madame, » lui dit-elle. « Un seul mot avant de nous séparer. Vous êtes hardie, vous êtes fine. N'exagérez ni la hardiesse ni la subtilité. Vous courez plus de hasard que vous ne croyez. » Elle se leva tout à coup sur la pointe des pieds et, dans l'oreille de Magdalene, laissa tomber certaines paroles ambiguës. « Je vous tiens dans le creux de ma main, » disait Mrs. LeCount, insistant sur chaque syllabe avec une sorte de sifflement emphatique et vindicatif. Tandis qu'elle parlait, sa main gauche se crispait à la dérobée. C'était celle où elle avait caché le morceau d'étoffe enlevé à la robe de Magdalene, celle qui, dans ce moment même, l'étreignait avec force. « Que voulez-vous dire ? » demanda Magdalène en la repoussant. Mrs. LeCount se déroba poliment pour aller ouvrir la porte de la rue. « Pour le moment, rien, » dit-elle. « Attendez, et le temps vous l'expliquera peut-être. Une dernière question, madame, avant que je prenne congé de vous. Quand votre élève était encore une petite fille inoffensive, s'amusait-elle parfois à bâtir un château de cartes ?» Magdalène, impatientée, ne répondit que par un geste affirmatif. « L'avez-vous jamais regardé, élevant toujours plus haut son fragile édifice ?» continua Mrs. LeCount, « jusqu'à en faire une véritable pagode de carton ?» « La voyez-vous alors ouvrir tout grand ses yeux étonnés et contempler son œuvre et se sentir si fière de l'avoir accomplie qu'elle voulait absolument la continuer ?»« La voyez-vous affermir sa jolie petite main, retenir son souffle innocent, poser au sommet une dernière carte et, l'instant d'après, faire de son beau castel un monceau de ruines étalées sur la table ?»« Ah, vous avez vu tout cela. Eh bien, veuillez vous charger pour elle d'un message amical que je lui envoie. » Je crois pouvoir l'avertir qu'elle a monté son bâtiment assez haut comme cela, et lui recommander de bien prendre garde avant qu'elle y ajoute une seule carte. La commission sera faite, dit Magdalène, avec la brusquerie de Miss Garth et son emphatique branlement de tête. Mais je doute qu'elle y prenne garde. Sa main est un peu plus ferme que vous ne semblez le croire, et j'estime qu'elle mettra une carte de plus. Quitte à faire tomber la maison, dit Mrs. LeCount, et à la rebâtir ensuite. « Reprit Magdalène. « Je vous souhaite le bonjour. »« Bonjour, » dit Mrs. LeCount, ouvrant la porte. « Et un mot encore, Miss Garth. Songez à ce que je vous disais dans ma chambre. Essayez de l'onguent doré pour ces pauvres yeux que vous avez si malades. » Au moment où Magdalène franchissait le seuil de la porte, elle trouva devant elle le facteur qui gravissait le perron, tenant à la main une lettre triée dans son paquet. « Noël Vanstone, Esquire ?» l'entendit-elle demander pendant qu'elle passait du jardinet dans la rue. Elle se doutait fort peu, en ce moment, de la difficulté nouvelle et du nouveau péril auquel venait de la soustraire l'opportunité de son départ. La lettre que le facteur déposait aux mains de la femme de charge était précisément la lettre anonyme que le capitaine Reig avait adressée à Noël Vanstone.